m'a toujours été difficile. Très difficile. Pour moi, la vie pas facile. Pour car on est difficile. Moi, j'ai souffert, moi, Pas c'est vous qui en guerre en moi. C'est vous qui toute vie en moi. Alors écoutez-moi qu'à dire. Moi pas bête, moi t'es bien savé. Ou pas t'es n'y a rien pour moi. Moi pas rester attendre vous. L'homme est caraché caille. Malgré on fait l'impossible. Ça pas qu'à faire, on change ailleurs, ailleurs. C'est moins fort.